CIA, empilés en quinconce. Nul ne sait qui ils sont, encore moins où ils vont. Puis la tête s'enrichit des quiconques sans nom. Mais heureusement, il y a Prosper Youblaboum. Et heureusement, il y a Prosper à la boum. Heureusement, il y a Prosper Youblaboum. Heureusement, Prosper est là avec nous à la boum. Bercé, enivré, attisé par l'essence, cassé, aligné, empilé en quinconce. Nul ne sait qui ils sont, encore moins où ils vont. La tête sans les chiffres, qui compte sans nom. Maladie, et perdu dans la brume. Petite chose fragile dans les rues, dans l'écume. Où vont-ils, qui sont-ils, se demandent-ils pourquoi. Ils écoutent la vigie, patiente sur le bas. Mais où sont-ils, et qui sont-ils, où vont-ils, et pourquoi. Enivré, attisé, cassé, aligné, empilé, et pourquoi ? Pourquoi ?